L'Association générale des Coréens en Chine ont adressé le 15 août une lettre au dirigeant suprême Kim Jong-un à l'occasion du 72e anniversaire de la libération de la Corée. La lettre a formulé tout d'abord l'hommage sublime aux généralissimes Kim Il-sung et Kim Jong-il qui ont remporté la grande victoire dans la lutte pour la libération de la patrie et mis sur pied les pierres angulaires de la révolution coréenne. Ensuite, elle a adressé la gloire suprême et les félicitations chaleureuses au dirigeant suprême Kim Jong-un qui conduit à la victoire la cause d'indépendance nationale par la politique de Songun. Elle a ajouté « Le leader père Kim Il-sung a édifié une société nouvelle dont le maître est le peuple, première du genre dans l'histoire nationale 5 fois millénaire, et remporté la grande victoire dans la guerre de libération de la patrie, pour ainsi accomplir des exploits révolutionnaires impérissables devant la patrie, le peuple, l'époque et l'histoire. » Le généralissime Kim Jong-il a continué à la lettre l'œuvre révolutionnaire du leader père et consolidé la dissuasion de guerre autodéfensive de la patrie par sa politique de Songun pour ainsi remporter victoire sur victoire dans la confrontation anti-impérialiste et anti-américaine et sauvegarder le socialisme axé sur les masses populaires. Le respecté maréchal Kim Jong-un est le grand promoteur de Songun, qui, avec son dévouement et ses efforts inlassables, a développé la Corée Kim Il-sung, Kim Jong-il, en une puissance nucléaire jutée, puissance militaire sans rival, et en rempart socialiste invincible admiré par le monde entier, tout en continuant invariablement les idées des généralissimes privilégiant l'armée et les affaires militaires. L'Association générale des Coréens en Chine et tous les autres Coréens en Chine réaliseront la grande union de toute la nation pour déjouer résolument les provocations de guerre nucléaire des impérialistes américains et d'autres bellicistes contre le Nord, sauvegarder la paix et la sécurité de la péninsule coréenne et lutter dynamiquement pour anticiper la réunification nationale.